Une tribune signée fin mars par 124 médecins dans les colonnes du Figaro ravivait le débat sensible dans notre pays sur le remboursement de l'homéopathie, fondé sur le manque de preuves de son efficacité clinique, ainsi que sur la reconnaissance des qualifications médicales d'autres diplômes de ces MAC, MAC pour médecine alternative et complémentaire. Alors que sont-elles? Que sont ces MAC? Peut-on tout mettre sur le même plan, de l'acupuncture au magnétisme? Quelle est leur place dans le parcours de soins et surtout comment évaluer leur efficacité? C'était réel. Médecine alternative, je soigne moi non plus, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ces questions fort sensibles qui touchent de très près à notre rapport à la santé, aux soins, à des convictions parfois rationnelles et d'autres qui le sont moins, nos deux invités qui vont avoir cette lourde tâche aujourd'hui sont Bruno Falissard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations et membre de l'Académie de médecine. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Touraine avec Alain Autre. Très bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de neurologie à l'Université François Rabelais de Tours. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, je le disais à l'instant, hein, dès que l'on parle de ces MAC, de ces médecines alternatives et complémentaires, on est vite sur un terrain très glissant. Il suffit de voir le débat virulent sur l'homéopathie qui a eu lieu suite à la tribune que je mentionnais à l'instant. Comment se fait-il, comment expliquer finalement qu'on ait toujours du mal à discerner un discours qui serait un discours scientifique, méthodologique, d'un discours plus dogmatique, plus intime parfois aussi, Bruno Falissard, autour de ces médecines alternatives? Bon, ben vous allez directement à l'essentiel. On va essayer. En fait, ces médecines alternatives nous interrogent autour de la place de la rationalité dans le soin, dans la médecine occidentale. Voilà, c'est-à-dire que la médecine occidentale, qui est aujourd'hui la médecine que l'on trouve tout autour de la planète, quand il s'agit de soigner des grandes maladies, l'infarctus, le cancer, etc., cette médecine occidentale s'est construite autour de la science, de la recherche biomédicale et d'un certain positivisme et d'une rationalité. Or, quand on est malade, on n'est pas que un sujet rationnel. La peur de la mort est associée à de la spiritualité, à de la pensée magique, et c'est complètement normal, et même quand on est scientifique, ça nous touche. Et donc, il est complètement licite de vouloir écouter autre chose, et peut-être que cette autre chose, bien que non rationnelle, peut arriver à nous soulager, à nous faire du bien. Alain Autret, votre opinion à ce propos ? Oui, je pense tout à fait la même chose, mais je pense que depuis que Sapiens existe, finalement, il a besoin de croire à quelque chose et il croit à ce que lui offre son temps. Alors, dans mon livre sur les effets placebo, je cite que dans le papyrus d'Ebers, qui est un chercheur égyptologue allemand, eh bien, pour soigner les céphalées, eh bien, il était proposé d'enrouler autour de la tête un bandeau qui enserré lui-même un crocodile qui avait dans sa bouche un grain et sur lequel étaient marqués les noms des dieux qui intervenaient dans la vie de ce monsieur. Donc l'homme a besoin de croire pour s'en tirer. Alors, au XXe siècle, ou au XXIe siècle, on revient de loin, vous savez, parce que les croyances dans des thérapeutiques qui n'ont pas d'efficacité biologique étaient légion et dans nos systèmes de santé et dans les systèmes de remboursement jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Hein, je me souviens, j'étais 2 ans en poste au Sénégal comme professeur, il y a une quarantaine d'années, le premier poste budgétaire, c'était un médicament vasorégulateur, pour ne pas le nommer puisqu'il n'est plus sur le marché, l'hydergine. Donc, dans un pays économiquement peu développé, tout l'argent passait, une partie de l'argent passait là, et c'était la même chose pour la sécurité sociale. En France, la position d'un médicament dont les vertus sont quand même assez contestées, le Tanacan, a été longtemps un des premiers postes budgétaires de la sécurité sociale, et ça, c'est récent. Donc, vous voyez que on a besoin de croire, et on croit un peu à n'importe quoi de nos jours. Un dernier point, une dernière anecdote, puisque je suis un peu un ancien. J'ai souvenir d'avoir participé aux avatars successifs des commissions de régulation des médicaments. Il y a une trentaine d'années, elle portait le nom de son président, qui était un grand patron parisien. Je me souviens avoir présenté un dossier. Alors, quand on parlait de double aveugle à l'époque, on vous regardait avec des yeux ronds, déjà. Alors, double aveugle, on va repréciser de quoi il s'agit quand on parle de double aveugle. Bien sûr. Donc, d'essai contrôlé, on faut regarder avec des yeux ronds. J'avais un collègue dans une ville de France qui disait, quand j'entends double aveugle, je sors mon pistolet. Je sais pas si vous voyez quand même. Et là, il y a 30 ans. Et la conclusion du rapport dont je voulais vous faire part, c'était, j'ai eu de franc succès avec ce médicament, qui était l'hydergine toujours, j'ai eu de franc succès. Ça veut dire qu'on n'avait aucune notion de l'abord scientifique des choses. Et heureusement, les biostatisticiens sont arrivés pour nous apprendre comment il fallait penser et raisonner. Alors juste peut-être un mot pour préciser tout de suite, parce que c'est effectivement l'une des démarches de contrôle de l'efficacité d'un médicament aujourd'hui avant sa mise sur le marché. On parle d'essais randomisés en double aveugle. Vous pouvez pas nous rappeler en deux mots de quoi il s'agit, Bruno Falissard? Oui, bon, c'est très simple. Alors, d'abord, il faut revenir. D'abord, c'est pas une évidence. À l'origine, l'évaluation des thérapeutiques, on avait dans l'idée depuis Claude Bernard que c'était en étudiant le mécanisme de survenue de la maladie, le mécanisme de fonctionnement du médicament. Si l'un était congruent avec l'autre, alors le médicament marchait. Une espèce de syllogisme assez logique et qui a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle, en particulier avec les antibiotiques. C'est-à-dire, quand vous avez la tuberculose, vous avez un germe, le bacille de Koch. Si vous prenez un antibiotique, il tue le bacille de Koch, donc le patient guérit et ça marche, c'est vrai. Le problème, c'est que ça marche pour certaines maladies, celles dont les étiologies, c'est-à-dire les causes, sont manifestement connues, mais dans la grande majorité des cas, on n'en sait rien, en fait. L'hypertension, le diabète de type 2, etc. Les causes, c'est très compliqué. Et ce donc sont des maladies multifactorielles. Voilà, et qui sont la règle maintenant. C'est une cause. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs ont été embêtés parce qu'ils se sont dit, si on continue dans cette voie déterministe, et si je dis ça, c'est que le placebo, il va rentrer là-dedans. Ils se sont dit, on va pas y arriver, et ils ont regardé ce que faisaient les agronomes. Et les agronomes, en fait, pour savoir quelles étaient les semences qui marchaient le mieux, ils tiraient au sort les parcelles de champs. Et ils ont dit, on va faire pareil avec les patients, on va tirer au sort les patients, à la moitié on va donner A, la moitié on va donner B, on attend 6 mois, 1 an, on regarde qui a guéri, on fait un test statistique, et comme ça on dit quel est le meilleur traitement. Et cette méthode a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça marche, quelle que soit la théorie sous-jacente au fonctionnement du médicament. Et donc, les médecines alternatives peuvent être évaluées avec des essais randomisés. L'inconvénient, c'est que ces essais randomisés, ils donnent l'efficacité pour un sujet moyen, puisque c'est une preuve statistique. Or, un médecin n'a jamais de sujet moyen en face de lui. Et c'est là que s'inscrit toute la tension entre le savoir donné par l'évaluation scientifique et la pratique médicale singulière. Alors on va revenir sur ces questions-là. J'aimerais peut-être juste qu'on dise quelque chose, un mot, toujours dans cette introduction pour commencer, quand on commence à avoir un débat autour de ces médecines alternatives et complémentaires. On entend souvent dire « Ah oui, mais sur moi ça marche ». Donc, et je suis en très bonne santé, cette valeur du témoignage, comment faire pour la dépasser, pour l'entendre autrement? Alors, Bruno Falissard et Alain Autré. Oui, alors il ne faut pas être caricatural. C'est que, bien sûr, il y a des miracles à Lourdes. Bon, alors, on a le droit de croire en ce que l'on veut, et c'est complètement respectable. Mais enfin, une guérison miraculeuse est exceptionnelle. Elle ne constitue pas en soi une indication pour développer un soin. On sera tous d'accord. C'est l'exception. Néanmoins, le médecin, quand bien même il est scientifique, doit être interpellé par des thérapeutiques « bizarres » entre guillemets, qui, dans certains cas, ont une efficacité thérapeutique majeure. Vous voyez, c'est-à-dire que guérir un patient dans un cas avec un traitement, cela ne prouve rien, naturellement, ça ne prouve rien, aucune preuve scientifique ne peut reposer là-dessus. Néanmoins, le scientifique doit se nourrir de pistes de recherche. Et ces guérisons exceptionnelles doivent être des pistes de recherche à creuser scientifiquement. Alain Autret, sur cette question de la valeur du témoignage en médecine. Oui, je crois que je vois les choses un petit peu différemment. Une thérapeutique donnée, qu'elle soit efficace ou non, chez un sujet, va l'améliorer un peu, beaucoup, ou pas du tout. Et donc chacun va s'inscrire dans cette courbe que les statisticiens, donc M. Falissard, nous décrivent comme habituellement une courbe gaussienne. Et finalement, il va y avoir des patients qui vont être améliorés beaucoup, d'autres pas du tout et d'autres moyennement. C'est le fond même des populations avec une répartition qu'on appelle normale. Donc il est évident que quand on propose un traitement à quelqu'un, eh bien, il va s'inscrire là-dedans, il va être amélioré beaucoup et il va être amélioré pas du tout. Alors, ceci dit, je vais faire un bémol. Dans les effets qui permettent de juger de l'évolution de la maladie après un traitement, il y a d'abord l'évolution propre de la maladie et de ses symptômes. Donc, c'est le premier facteur de variation. Et quand quelqu'un dit « j'avais tel symptôme, j'ai pris telle chose ou tel traitement et je suis amélioré », le premier facteur à considérer, c'est l'histoire naturelle de la maladie. C'est une petite remarque en passant. Ce qui peut-être me fait venir, on va parler de ces MAC, hein, de ces médecines alternatives et complémentaires pour savoir lesquelles elles sont, mais c'est vrai que souvent, dans peut-être une majorité des cas, je parle évidemment sous votre contrôle à l'un à l'autre, Bruno Falissard, on a recours à ces médecines alternatives et conventionnelles pour traiter plutôt des affections de type léger, de la bobologie. On traite rarement un cancer avec de l'homéopathie ou du magnétisme seul. Oui, vous avez raison, bien sûr. Mais vous avez dit bobologie et vous voyez, c'est tout le problème de ces soins, c'est le dénigrement des pathologies qui sont censées soigner. Vous savez quelle est la pathologie en France aujourd'hui qui entraîne le plus grand nombre d'années d'incapacité, toute pathologie confondue? C'est le mal au dos. Et le mal au dos, c'est pas une grande maladie, hein, c'est pas le cancer, c'est pas le sida, c'est pas l'infarctus, hein, mais plein de gens souffrent de mal au dos, et ben les médecins, ils savent pas tellement soigner le mal au dos. Et donc les patients vont chercher des ostéopathes, des chiropraticiens, des acupuncteurs pour soulager leur mal au dos. Alors c'est peut-être de la bobologie, mais c'est des gens qui souffrent et nous avons un devoir de répondre à leur souffrance. Alain Autret, allez-y. Oui, je voudrais apporter donc un éclairage complémentaire sur ce qui vient d'être dit et qui est majeur. Je me suis permis d'écrire un livre sur les maladies dites imaginaires où j'ai passé en revue ce qui est actuellement donc les symptômes somatiques ou conversifs selon la classification des psychiatres qui s'appelle le DSM-5 et qui sont ces symptômes durables qui entraînent une altération notable de la vie des individus. Leur fréquence dans notre société, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit plus importante qu'auparavant, est considérable. Alors, je cite dans ce livre une revue de confrères suisses qui nous dit que près de 40% des primo-consultants en médecine générale viennent pour des symptômes sans lésion, c'est-à-dire sans maladie sous-jacente. Ces symptômes sont d'ailleurs très fréquemment liés à une symptomatologie anxieuse ou dépressive associée et à des événements stressants de leur vie. Donc, il y a une histoire qui précède et accompagne ces symptômes extrêmement fréquents. Vous parliez des lombalgies, mon cher collègue. Moi, j'ai retenu que finalement, les lombalgies sans cause actuelle et active, eh bien, c'est 10% de la population. La fibromyalgie, les études épidémiologiques nous montrent 6%. Les céphalées chroniques quotidiennes, 3%. Et ce qu'on appelle, les auditeurs m'excuseront, l'état somatisation, ce sont des gens qui, tout au long de leur vie, vont avoir des symptômes sans maladie autant que telle identifiée, ce qu'on appelle donc le trouble somatisation, eh bien, suivant la rigueur des échelles pour le mesurer, c'est entre 2 et 15% de la population. Donc, ces symptômes qu'on appelle somatiques ou conversifs sont extrêmement fréquents. Bruno Falissard. Oui, alors, on avance là et on rentre dans le vif du sujet. C'est vrai que ces soins alternatifs ou complémentaires intéressent surtout les troubles dits fonctionnels. C'est-à-dire, fonctionnel, ça veut dire sans que l'on ne voit de lésions. Alors, un, sans que l'on ne voit de lésions aujourd'hui, mais les microscopes étant de plus en plus performants, des troubles pour lesquels il n'y avait pas de lésions il y a 10 ans, maintenant on voit la lésion. Par exemple Par exemple la schizophrénie, par exemple le syndrome de stress post-traumatique, qui ont beau être des maladies dites psychiatriques, touchant le sujet en tant que sujet pensant, maintenant on a, grâce à l'IRM et à l'IRM fonctionnel, on arrive à voir que les amygdales sont rétrécies, qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont moins fonctionnelles que d'autres. Et tout ça pour dire que dans notre pensée occidentale, nous sommes prisonniers d'un dualisme corps-esprit, et qui fait que quand une maladie touche l'esprit, comme l'esprit est immatériel, alors cette maladie n'est rien. Et ça, c'est un drame. On l'a par exemple avec les gens électrosensibles, vous savez, hein, qui sont sensibles aux antennes et qui envoient des ondes. Alors, bien sûr, c'est très facile expérimentalement, on débranche les antennes et on regarde si les gens sont toujours mal ou pas. Et le problème, c'est qu'ils ont toujours mal, même quand l'antenne ne fonctionne pas. Donc, on va dire que ce sont des maladies imaginaires. Alors, il y a une étude toute récente qui vient d'être publiée à ce propos et qui n'a pas trouvé de composantes physiologiques. Mais oui, bien sûr, il y a une tonne de publications, dont acte. Mais ces gens souffrent quand même. Et ce n'est pas des maladies imaginaires et ce n'est pas psychiatrique. Ce sont des gens qui ont des vrais problèmes. Et donc, nous devons, médecins, nous, considérer toutes les souffrances de la même façon, que ça soit des souffrances liées au fonctionnement psychique ou que ça soit des souffrances liées à une jambe cassée, où on voit la lésion. Alors, bien sûr, je suis psychiatre, j'ai un conflit d'intérêts, mais néanmoins, c'est ce que je pense. Un mot peut-être pour définir ces médecines alternatives et complémentaires. C'est une valise un peu large. On met à l'intérieur ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'ostéopathie, la chiropraxie, mais aussi la biologie totale, le magnétisme, la phytothérapie. Est-ce qu'il faut faire le tri là-dedans? Est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut classifier ces médecine, c'est comment est-ce que vous évalueriez ça, Bruno Falissard? Alors, d'abord, les médecines alternatives et complémentaires, ce sont celles qui n'ont pas lieu d'être dans les facultés de médecine au sens strict, bien qu'il y ait des diplômes universitaires d'acupuncture, d'homéopathie, d'hypnose, etc. Mais grosso modo, dans les facultés de médecine, on apprend la médecine classique, la kinésithérapie, etc. Et ça, c'est la médecine classique. Ce qui n'en est pas, c'est la médecine complémentaire. Alors après, les médecines complémentaires, c'est un Far West monumental, puisque comme c'est pas encadré par des enseignements universitaires, tout le monde peut faire un peu n'importe quoi. C'est le premier sujet. Premier sujet, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Alors, il y a des soins là-dedans qui ont essayé de faire le ménage. Les chiropraticiens, c'est une formation internationale reconnue. Les ostéopathes, ça va mieux. Les acupuncteurs, c'est quand même c'est la médecine chinoise, c'est très compliqué. Il y a des médecins, des non-médecins, etc. L'hypnothérapie, c'est pareil. Donc, oui, il y a des différences. Il y a des soins qui, manifestement, sont des escroqueries. La biologie totale des êtres vivants, par exemple, c'est une thérapeutique qui considère que le cancer peut être soigné rien que par la force de l'esprit. C'est n'importe quoi. C'est susceptible d'être un danger majeur pour les patients. Il y a même un phénomène d'emprise de type gourou. Donc, il y a des cas où c'est une catastrophe. Et puis, il y a des cas comme l'ostéopathie, où le rationnel scientifique est un peu bizarre, mais où des millions de nos concitoyens vont consulter. Alain Autret, sur cette classification de ces diverses médecines alternatives? Alors, je voudrais revenir en amont sur des choses qui ont été dites sur les symptômes. Alors, les symptômes sans base lésionnelle, donc extrêmement fréquents, finalement n'arrivent pas comme ça dans la vie des individus. Et finalement, nous avons des tas de théories psychologiques qui nous proposent des pistes et preuve entre guillemets neuroscientifique qui nous apporte quelques résultats. Ces gens qui sont gênés par des symptômes qui se répètent dans l'existence, on retrouve alors souvent chez eux soit des problématiques qui ont été largement détaillées par Sigmund Freud, des problématiques d'agression de l'enfance, ça c'est un premier point. Le problème donc de cet abord psychanalytique, c'est que les validations scientifiques manquent. Le deuxième point, on peut trouver aussi des personnalités un petit peu particulières et une personnalité qui s'appelle alexithymie, c'est-à-dire l'impossibilité d'exprimer ses émotions par des mots, a été largement développée et il y a toute une série de publications qui montrent qu'on retrouve ce trouble de la personnalité, ce trait de personnalité chez ces patients-là. Et enfin, quelque chose qui est très important et qui est peu connu dans le monde médical, c'est les modalités de l'attachement, c'est-à-dire dès la première gestion de l'enfant lorsque sa mère s'éloigne et sa façon de réagir avec l'éloignement de sa mère. Et les attachements dysfonctionnels font le lit de ces symptômes qui vont apparaître ultérieurement. lors de la survenue de ce que Freud après appelait une occasion et qui vont s'extérioriser à ce moment-là. Alors, j'en parle parce que la demande de soins que vous appelez MAC, eh bien, se place dans ce contexte-là et chez ces patients qui ont ce type de problématique, c'est-à-dire l'extériorisation de leur souffrance personnelle par des symptômes. Ça, c'est très important à considérer parce que tant qu'on n'a pas mis en place cette modalité réactionnelle, les thérapeutiques, bien sûr, vont aller un petit peu à volo ou un peu n'importe où. On vous a perdu, allô ? Oui. Oui, ça y est, pardon. Juste un mot pour dire que cette lecture psychanalytique que vous faites freudienne, psychanalytique un peu tout de même. Freudienne au début, psychologique après. elle vous appartient, c'est une lecture des troubles fonctionnels ou des types de symptomatologie que vous évoquez. Plus généralement, j'aimerais qu'on redise, que vous me redonniez un peu votre aperçu de la différence ou de la classification que l'on peut faire effectivement de ces médecines alternatives qui ne sont pas, comme le disait Bruno Falissard, à mettre peut-être toutes sur le même plan malgré tout. Je suis moins compétent pour vous donner un avis sur ces listes. Je sais que il me semble en tous les cas que un sujet va choisir ses modalités thérapeutiques en raison de l'idée qu'il peut en avoir, du thérapeute dont il a entendu parler et de l'écoute de celui-ci. C'est pour ça que je crois qu'on va reparler à l'heure de ces thérapeutes qui utilisent ces médecines alternatives. Et de la relation soignant-patient, on va en reparler dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 dans la méthode scientifique, nous parlons des MAC, des médecines alternatives et complémentaires, en compagnie de Bruno Falissard et d'Alain Autret. J'aimerais qu'on dise peut-être un mot avec vous deux de quelque chose qui revient souvent, que vous avez étudié, Alain Autret, puisque c'est ce à quoi il est fait référence pour étudier l'efficacité ou l'efficience ou non d'un médicament dans ces études randomisées en double aveugle que l'on évoquait tout à l'heure, c'est l'effet placebo. Alain Autret, qu'est-ce que c'est que cet effet placebo ou ces effets placebo, c'est le titre de votre livre, comment est-ce qu'il fonctionne, puisque finalement on entend souvent dire par rapport notamment à l'homéopathie, oui mais puisque ça a autant d'effets qu'un placebo, c'est donc que ça marche. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'étais un bon soldat de la neurologie universitaire. Pendant 40 ans, j'étais chef de service, je voyais des malades et ainsi de suite. Et j'ai découvert, au hasard de mes lectures et en fin de carrière, que la perfusion de sérum glucosé annoncé comme antalgique après une extraction dentaire, eh bien, ne l'était plus lorsqu'on donnait un inhibiteur des endorphines. L'effet placebo est inhibé lorsque on inhibe l'action des endorphines. Incroyable. Le deuxième point d'émerveillement pour moi a été l'ensemble des publications d'imagerie médicale sur les effets placebo sur des volontaires qui subissaient une stimulation douloureuse. Et finalement, ces publications ont montré que l'attente, l'intensité du soulagement de l'effet placebo était directement corrélée à la libération d'endorphines et de dopamine au niveau de structures de la base du cerveau. C'est incroyable. J'en parlais autour de moi, personne n'était au courant de cette contrepartie ou de ce concomitant biologique d'un comportement, l'effet placebo. Alors ça permet de revenir en arrière, c'est-à-dire que la dualité corps-esprit, elle doit être maintenant évaluée à l'aune des connaissances des neurosciences qui nous montrent que finalement, nous avons des productions extériorisées, nos comportements, et des productions internes et des événements internes qui sont ceux qui génèrent ces comportements. Est-ce qu'il y a une dualité? Je n'en sais pas. Il y a identité? Peut-être. Alors, juste un mot pour finir. Donc, cette libération d'endorphines et de dopamine, eh bien, elle est responsable d'un des événements psychologiques qui accompagnent l'administration d'une thérapeutique, qui s'appelle l'effet placebo avec attente. Cet effet est tout puissant et il a été très bien analysé au plan comportemental et psychologique par une task force américaine qui a été mise en place au début des années 2000. Bruno Falissard, l'effet placebo, ça veut dire que sans prendre aucune molécule active, eh bien finalement, il y a malgré tout de même statistiquement un pourcentage de la population qui guérit spontanément. Ah, c'est plus que ça. C'est que vous avez un lumbago, vous êtes malheureux, vous êtes bloqué dans votre lit. Votre ami vient vous voir, s'assoit et vous dit « écoute, ça va pas, écoute, il faut que tu te calmes », mais vous avez moins mal au dos. Quand on parle à quelqu'un qui souffre, cette personne souffre moins. Voilà, c'est juste le placebo et la cristallisation. D'ailleurs, certains appellent ça le soin contextuel, c'est-à-dire que le fait de parler avec quelqu'un, d'être avec lui, d'engager dans le soin, alors ça améliore les symptômes et même éventuellement, parce qu'effectivement, le dualisme n'est qu'une construction intellectuelle. Quand on parle, ça agit sur le cerveau, sur les catécholamines, sur l'hypophyse, l'hypothalamus, les glandes surrénales, le cortisol qui agit sur le système immunitaire, etc. Et bien sûr que le corps et l'esprit sont liés, bien sûr. Alors, juste quand même un mot important, un médecin ne prescrit, enfin, quasiment aucun médecin ne prescrit de placebo en toute connaissance de cause. Vous imaginez prescrire à un patient quelque chose dans lequel on sait qu'il n'y a rien et que ça n'est quelque part qu'une supercherie intellectuelle. On ne fait pas ça quand on est médecin en France. Par contre, ce qu'on fait, c'est que parfois on prescrit un médicament pour lequel on sait qu'on a un doute sur l'efficacité. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, le paracétamol. Alors, je parle de médicaments. Il faut déclarer ses conflits d'intérêts. Je travaille avec la plupart des firmes pharmaceutiques, dont Tact. Donc, vous savez, le paracétamol est un antalgique. Si vous avez des gens qui ont une arthrose du genou, ça fait mal. 40% de la population a une arthrose du genou. Ben, le premier médicament prescrit par un médecin dans l'arthrose du genou, c'est du paracétamol. Eh bien, dans les essais randomisés versus placebo, le paracétamol n'a pas plus d'efficacité qu'un placebo. Pour l'arthrose du genou. Pour l'arthrose du genou. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, certains de nos confrères, parfois, montent sur leurs grands chevaux en disant « c'est un scandale, on prescrit des placebos ». Ben oui, mais en fait, sans nous en rendre compte, nous aussi, nous prescrivons des placebos. Donc, un peu d'humilité. Donc, vous faites référence aux médecins homéopathes, puisque la majeure partie des études faites à propos des comprimés, des granules homéopathiques, ne montrent pas plus d'effet que l'effet placebo. Exactement. Mais encore une fois, le placebo, c'est un instrument pour scientifiques. Ça n'est pas un instrument pour médecins. Or, la médecine, c'est pour les médecins. C'est pas pour les scientifiques. La science nourrit la médecine. Le médecin est un praticien. Alain, au trait peut-être sur cette notion de l'effet placebo et finalement de ce que Bruno Falissard vient de définir comme le soin contextuel. Est-ce que une partie de ces médecines alternatives, c'est aussi du soin contextuel? On l'évoque, on l'entend souvent finalement. On entend dire, finalement, ce qui est important, c'est que mon médecin homéopathe ou mon acupuncteur, eh bien, je passe plus de temps, le lien avec lui, il y a une relation de confiance qui s'établit et qui peut contribuer à améliorer la guérison ou à améliorer l'effet placebo peut-être? Alors si vous me permettez, je crois qu'il faut qu'on construise l'ensemble des événements psychologiques qui sont associés à une thérapeutique. Donc continuons sur l'effet placebo avec attente. Cet effet placebo avec attente, son intensité, eh bien elle est fonction de l'attente. Et tout ça, ça a été montré dans tous les protocoles expérimentaux. Plus les sujets remplissent une feuille en disant qu'ils attendent beaucoup, meilleur est le traitement après. Ils sont fonction de l'annonce. Vous allez avoir une thérapeutique, vous allez avoir quelque chose qui va modifier ceci. Alors l'annonce, elle peut être, vous n'aurez plus mal à la partie inférieure de la jambe droite. Vous allez avoir une modification de votre état psychologique. Vous allez être plus énervé. Vous allez avoir une réduction de votre douleur qui va être très importante, moyenne ou faible. Tout ça, eh bien, ce sont des annonces qui vont influencer, alors ça c'est prouvé par les études qui sont d'ailleurs rapportées dans mon bouquin, c'est prouvé. Enfin, il y a ce qui est proposé. Alors ça c'est absolument passionnant. Un comprimé a moins d'effet qu'une perfusion. Un dispositif simple a moins d'effet qu'un dispositif complexe. Un dispositif a moins d'effet qu'une intervention chirurgicale. Le pape de l'effet placebo aux États-Unis a fait un éditorial « Surgery as placebo », c'est-à-dire que l'intervention chirurgicale est quelque chose qui peut avoir un effet placebo majeur. Peut avoir, je n'ai pas dit avait, hein, bien évidemment. Et enfin, il y a la façon de ce qu'on donne. C'est-à-dire que si vous donnez un médicament, qu'il soit placebo ou pas, de façon empathique, eh bien, vous allez avoir un effet beaucoup plus important que si vous donnez un médicament en disant « tentez ça, j'y crois pas, mais vous verrez bien ». Hein, et alors là, on arrive dans la nécessaire prise de conscience de mes chers collègues universitaires d'enseigner le placebo. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que nous avons une action placebo, nous, médecins de la médecine traditionnelle. Je me permets une anecdote et je finis. Mes derniers topos à Tours, c'était « Pourquoi nous sommes tous des gourous ?» Pourquoi nous sommes, alors c'était aux enseignements post-universitaires, hein. Pourquoi nous sommes tous des gourous? Alors, je pense qu'il faut analyser les différents effets psychologiques après une thérapeutique, et après on va voir comment on place les MAC dans ce dispositif. Un mot peut-être pour conclure sur cet effet placebo, et c'est effectivement passionnant, on peut renvoyer effectivement au livre d'Alain Autrey sur les effets placebo, dont on va vous mettre le lien, ce qui a déjà été fait en début d'émission sur le fil Twitter, c'est de dire qu'effectivement, dans cette relation de n'importe quel médecin au patient, du soignant au patient, il y a d'emblée un effet placebo qui peut expliquer d'ailleurs la guérison des nourrissons, voire de certains animaux, parce qu'on entend souvent dans les gens qui protestent contre, quand on leur dit que l'homéopathie n'a pas plus d'effet d'un placebo, en disant ah oui, mais moi j'en donne à mon enfant et ça le guérit, ou j'en donne à mon mouton ou à mon chien et ça le guérit. Oui, mais l'acte de soigner, l'attention, comme vous le disiez, est déjà une forme d'effet placebo. Oui, mais le drame, c'est que, vous voyez, la relation médecin-malade est assimilée à un placebo, le placebo est assimilé à une supercherie intellectuelle. Donc, la relation médecin-malade est une supercherie intellectuelle. Et ça, c'est une catastrophe. Nos patients se plaignent qu'on ne les écoute pas assez, qu'on ne prend pas assez de temps avec eux, qu'on n'est pas assez empathique. Seulement, si on l'est, on va dire, ah ben oui, mais c'est de l'effet placebo, donc c'est du baratin. Donc, personne ne dit que l'effet placebo est, est une supercherie intellectuelle. Bien sûr, mais bien sûr. Elle est documentée, Alain Autrey vient d'en parler largement. Mais ça, c'est entre nous ici, mais dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, Non, quand on dit, ah ben on lui a donné un placebo, il a guéri. Ben c'est presque, c'est un gogo, il a guéri avec un placebo. Qu'il n'était pas vraiment malade. Il faut peut-être rappeler malgré tout que le placebo, c'est pas une guérison automatique, hein, que statistiquement, c'est entre 15 et 30% des gens, que ça marche pas à tous les coups. De toute façon, rien n'est jamais automatique en médecine, que ça soit les placebos ou que ce soit les anticancéreux. Donc, encore une fois, soyons humbles. Un anticancéreux, ça ne marche pas à tous les coups. Même un antibiotique et un placebo, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, non. Encore une fois, la relation médecin-malade est une partie intégrante du soin. Et c'est fort. Et c'est quelque chose de complexe à apprendre. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas dénigrer. Il ne faudrait plus l'appeler placebo parce que c'est humiliant pour ces gens, pour ces personnes qui apprennent à soigner leurs patients en étant à leur écoute. Alain Autrey, oui. Oui, alors deux choses, je pense qu'il faudra placer en fin d'émission. Je pense qu'il faudra placer en fin d'émission cet effet placebo dans une biologie des comportements humains qui me paraît très important et d'une haute portée, informative. Peut-être philosophique. Autre effet placebo, c'est l'effet placebo lié à la répétition. Une équipe de chercheurs italiens a très très bien montré que le fait de répéter quelque chose, indépendamment de circuits qui passent par les opioïdes et les endorphines, eh bien la répétition entraînait une amélioration et on touche là, alors non seulement au traitement qu'on prend tous les jours, mais dans la vie de tous les jours, au rite. Le rite en lui-même est rassurant. Donc c'est un effet psychologique qui est très important dans l'arsenal thérapeutique, puisque nous en sommes limités à l'arsenal thérapeutique. Puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire qu'il y a un troisième effet placebo, c'est l'effet psychologique non spécifique qui est majeur et qui va être le corps de l'efficacité des MAC dont nous parlons tout à l'heure. Non spécifique en deux mots, Alain Autrey, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Voilà. Eh bien, vous n'êtes pas bien. vous prenez un rendez-vous avec un docteur. Déjà, ça va mieux parce que vous savez que vous allez pouvoir lui parler. Vous allez prendre un rendez-vous avec un thérapeute qui n'est pas forcément un docteur, mais vous savez parce que votre copain ou votre copine vous a dit qu'il écoute et qu'il est gentil. Donc là, déjà, vous allez pouvoir lâcher quelque chose. C'est bien. Deuxième point, vous avez ce thérapeute, et souvent les gens qui font des MAC sont des gens qui ont une écoute particulièrement efficace, voilà, des gens qui ont une très bonne écoute. Et qui font payer plus cher. Et qui font payer plus cher. Non, mais attendez. On analyse les choses. C'est pas moi, professeur à la retraite, qui ai des intérêts dans l'affaire. Hein. Donc, on continue. Donc, quelqu'un qui a une bonne écoute et qui va pouvoir vous donner des bons conseils et qui va avoir, eh bien, la position d'un psychiatre, moi je suis neuropsychiatre, qui fait une thérapeutie, disons, affective, et une psychothérapie affective et de bon sens. J'appelle ça l'effet psychologique non spécifique, qui est le cœur, en fait, de notre conversation d'aujourd'hui, parce que c'est ce par quoi ces thérapeutiques dénuées d'effets biologiques spécifiques, hein, l'acupuncture, l'homéopathie, etc., c'est par ce par quoi elles sont efficaces et c'est pour ça que ça marche. Alors, j'ai dit quelque chose qui est, j'espère que monsieur Falissard m'en voudra pas, mais toutes les études qui sont des études à trois branches, liste d'attente, placebo, de quelque chose, et puis Vérum montre que le placebo est efficace versus la liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité de l'ensemble de la procédure. Pourquoi ? Enfin, moi, c'est mon opinion, et c'est ce que je développe dans mon bouquin, et c'est... Il y a une équipe danoise qui fait des revues périodiques sur les études mondiales à trois branches, hein, avec donc une liste d'attente. Eh bien, elle nous montre que les thérapeutiques, le placebo est supérieur à rien du tout. Et c'est ce sur quoi se basent ces médecines parallèles ou dites douces. La méthode scientifique, Nicolas Martin. It's bigger than religion. The Healer d'Eric Abadou, le soigneur, puisque nous parlons des médecines alternatives et complémentaires, les MAC, tout au long de cette heure, en compagnie de Bruno Falissard, qui est avec nous ici à la Maison de la Radio, qui est professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, et en duplex depuis les studios de France Bleu à Tours, avec Alain Autret, qui est professeur honoraire de neurologie à l'Université François Rabelais. Peut-être un mot, peut-être pour dire qu'en France, il y a quatre pratiques qui sont reconnues par l'Ordre des médecins, qui sont l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie. Dans ces 400 MAC que répertorie l'OMS, est-ce qu'il y a des MAC qui sont, elles, considérées comme dangereuses aujourd'hui, Bruno Falissard? Oui, mais je parlais tout à l'heure de la biologie totale des êtres vivants. C'est un exemple qui a été d'ailleurs pointé par la Miviludes, la mission interministérielle pour la lutte contre, je ne sais plus quoi. Les dérives sectaires. Voilà, les dérives sectaires. Donc effectivement, le problème numéro un des médecines alternatives, c'est l'échappement aux soins classiques quand on a une maladie grave. Donc il faut le dire, c'est massif. Alors, quand vous allez voir un soignant qui utilise une médecine alternative et qui est médecin, en principe, vous évitez ce genre de problème, en principe. Quand c'est un non-médecin, c'est plus compliqué. Et donc, il faut que vous, citoyens, patients, soyez vigilants par rapport à ça. Alors après, certains soins non conventionnels ont aussi des effets indésirables propres. Les par manipulations exemple. D'artères cervicales dans la chiropratique ou dans l'ostéopathie peuvent conduire à des dissections des artères basilaires qui sont des accidents gravissimes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en général, faut être honnête, après, notre médecine occidentale à nous conduit à aussi beaucoup d'effets indésirables. Tout le monde est au courant. Donc, on peut poser des médicaments, on peut rappeler le diastylbène, le voilà, médiator. La chirurgie, etc. Bien sûr. Peut-être un mot pour dire tout de même qu'on parle de MAC parce qu'on parle de médecine alternative et complémentaire. Parce que de plus en plus souvent, aujourd'hui, il y a 6115 médecins, je crois, d'après les chiffres que j'ai trouvés, je parle sous votre contrôle. Qui sont déclarés, qui ont déclaré une orientation MAC en France. Oui. Un cinquième de ces médecins exercent à l'hôpital parce que oui, effectivement, ces médecines alternatives trouvent une place en milieu hospitalier, en médecine complémentaire d'accompagnement. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, comme dans de nombreux centres hospitaliers, à la Pitié-Salpêtrière à Paris, des médecines alternatives se déploient comme soins d'accompagnement. Oui, avec la création d'un centre de médecine chinoise fondé et dirigé par le docteur Alain Bobelou, qui est néphrologue. Dans ce programme, les malades, notamment ceux qui souffrent de maladies chroniques, peuvent bénéficier de soins issus de la médecine chinoise comme l'acupuncture, le tai chi ou bien la méditation. Alors évidemment, tout est encadré par des médecins conventionnels. Il s'agit non pas de remplacer la médecine académique, mais bien de venir en complément d'un parcours de santé classique. Alors là, on se dirige vers le pavillon Jacquard. C'est le service, c'est pas un hasard d'ailleurs. Une des premières indications médicales de ces médecines, et en particulier de la médecine chinoise, sera vraisemblablement tout ce qui est soins de support en cancérologie. De cette manière, le patient, avec son parcours de santé, peut effectuer d'autres soins dans le même environnement. Oui, absolument. Alors, ce petit local donc, a été mis à notre disposition par le service d'oncologie de la Pitié-Salpêtrière. Tout l'aménagement intérieur a été financé avec l'aide du Grand Hôpital de médecine chinoise de Nankin, l'hôpital provincial numéro 1 de Nankin. Donc voici ce centre de médecine traditionnelle chinoise qui est donc, a été constitué avec l'hôpital de la province de Yangshu, avec lesquels nous travaillons. Et nous avons un essai clinique qui est d'ailleurs en cours sur une plante chinoise que nous n'avons pas pu importer. Mais l'essai clinique est un essai multicentrique qui a pour but d'étudier donc cette plante dans le ralentissement de la maladie rénale du diabète. Vous voyez, vous avez un certain nombre d'ouvrages chinois qui nous ont été confiés par nos amis chinois de Nankin. On travaille aussi beaucoup avec Shanghai et avec Canton. Et puis nous avons une bibliothèque sur les techniques de médecine chinoise. Donc ici, on est dans un espace où on accueille les patients, où ils peuvent aussi accéder à des soins qui viennent en complément du type yoga ou tai chi, acupuncture. N'ont accès à cet espace que des patients dans le cadre d'un essai clinique qui va se dérouler en addictologie dans le sevrage alcoolique. Donc c'est parce qu'il fait partie d'un essai clinique qu'il est pris en charge par un psychologue qui est le coordinateur de l'étude, que ça va se dérouler ici. Mais ce n'est pas un lieu de soins. Il n'y a pas, à ma connaissance, de lieu dédié aux soins en France pour les médecines complémentaires, contrairement à ce qui existe dans d'autres pays européens. Mais pour en revenir ici à la Pitié-Salpêtrière, est-ce qu'on peut parler quand même de médecine intégrative au parcours de santé conventionnel que peuvent suivre certains patients ? Il y a une réflexion, il y a des essais cliniques qui sont en cours. Dire qu'il y a une intégration à un parcours de soins, c'est prématuré. C'est vraiment l'objectif, mais ce n'est pas encore réalisé en pratique. Vous êtes néphrologue, est-ce que vous suivez des patients dans l'accompagnement de la maladie, ceux qui souffrent de maladies chroniques ? Il y a très peu d'indications en néphrologie, sauf dans le domaine de, finalement, l'acceptation de la maladie, le mieux vivre, la qualité de vie, et où là, on peut être en effet amené à conseiller sur des techniques comme les techniques corps-esprit, le qigong, le tai chi, qui sont susceptibles d'aider des patients. En général, ce sont des patients insuffisants rénaux chroniques avec toutes les difficultés de l'acceptation de la maladie chronique. Dans l'état actuel des choses, tous les efforts de développement, c'est premièrement soins de support en cancérologie et deuxièmement les maladies chroniques. Et par exemple, dans un hôpital comme celui-ci, vous avez des techniques d'hypnose au cours des maladies respiratoires, tout ce qui concerne le souffle, la respiration, bien évidemment, est intéressé. Donc, on a une grosse activité en gynécologie obstétrique parce que il y a un personnel permanent qui réalise de l'acupuncture dans ce domaine-là. Mais la Pitié-Salpêtrière est loin d'être le seul centre où, en gynéco-obstétrique, il y a de l'acupuncture. C'est devenu véritablement extrêmement répandu. Vous avez initié ce projet il y a presque 10 ans. Quelles sont vos actions pour que ça prenne plus d'ampleur ? Pour moi, l'objectif principal, c'est la formation des étudiants en médecine. Il faut former nos étudiants en médecine au fait qu'il n'y a pas qu'une seule médecine. Notre médecine conventionnelle, elle soigne un peu plus d'un milliard d'individus. Il y en a 5 milliards qui sont soignés autrement. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre, et notamment des médecines asiatiques, parce qu'elles ont une approche différente du patient. Elles combinent d'autres techniques. Et on voit, par exemple, comme le qigong chinois, qu'il y a une association entre une activité physique et une activité de type méditatif. Autrement dit, c'est une autre approche des patients, et je pense que ce qu'il faut apprendre à nos étudiants en médecine, c'est que ça existe. Et c'est ce qu'on fait. On a créé un enseignement de deuxième cycle. On a donc un enseignement obligatoire de deuxième cycle. Et puis, on fonde beaucoup d'espoir dans la création d'un collège universitaire de médecine complémentaire pour essayer de définir un minimum de connaissances dans ce domaine qui pourrait servir à un tronc commun et dont on pourrait espérer qu'il soit intégré à l'examen national classant pour l'internat. Voilà le reportage du jour à la Pitié-Salpêtrière, hein, sur ces centres de médecine alternative intégrés aux hôpitaux et aux centres hospitaliers. C'est souvent assez critiqué, hein, parce qu'on reproche du coup les pouvoirs publics et les pouvoirs de santé publique d'avoir un double discours, de dire d'un côté on ne reconnaît pas ces médecines alternatives et complémentaires, et de l'autre on leur donne une légitimité hospitalière, on fait croire à une efficacité qui est une efficacité qui n'est pas prouvée. Qu'est-ce que vous pensez de ces alternatives ? Alain Autret, puisque je vous entends. Alain Autret, Bruno Felissard après. Je voudrais intervenir sur ce qui a été dit et sur donc le reportage. Alors, pour ce qui est donc des différentes médecines MAC dont vous avez parlé, je souscris totalement à la dangerosité de certaines pratiques d'ostéopathie. Et moi, j'ai fait pendant 15 ans un cours sur les complications neurologiques des manipulations cervicales au diplôme d'ostéopathie. Ma conclusion, c'était de dire ne jamais faire de manipulations cervicales car on risque de léser les artères vertébrales. Ça, c'est très important. En tant que neurologue, j'ai été très déçu de voir que finalement toutes les méta-analyses et puis les études Cochrane sur l'acupuncture ne mettaient pas en évidence des aspects spécifiques de l'acupuncture par rapport aux pseudo-acupunctures. Mais je crois que ce qui était très important. Concrètement, pour compléter votre propos, excusez-moi de vous interrompre à la retraite, concrètement, effectivement, des études montrent que l'acupuncture que l'on pique selon les, sur les points d'acupuncture ou à côté, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que là, une fois de plus, il n'y a pas d'efficacité privée. Voilà. Tous les protocoles qui sont repris dans les revues Cochrane m'ont infiniment, pas déçu, j'ai été infiniment déçu de voir qu'il n'y avait pas d'effet spécifique. Je voudrais que maintenant, on regarde les propositions qui sont faites en neurophysiologiste. Moi, j'étais président de la société de neurophysiologie et je dis une chose, c'est que les neurones et les récepteurs n'ont pas de langage spécifique. Ils ne parlent pas chinois, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas américain. Ils fonctionnent. Et donc, je trouve très intéressant de voir à l'aune de la neurophysiologie comment agissent les diverses propositions. Alors, la méditation, mais ça n'est pas révolutionnaire, ça a un effet apaisant sur les systèmes réticulés, le système cholinergique et ainsi de suite. Donc, effet anti-stress majeur. Et puis, je crois que nos chers concitoyens, ou une partie d'entre eux, en ont marre et en ont assez du discours occidental et qu'ils adhèrent à une alternative, mais qui aboutit à la même chose. Un discours chinois, par exemple, ou ce que vous voulez, le discours change, mais la réalité biologique neuronale et neurochimique derrière ne change pas. C'est ça ce que je veux dire. Bruno Falissard, sur ce double message, ce message paradoxal qui est envoyé par ces centres de soins alternatifs hospitaliers, qu'en pensez-vous ? Oui, bon, alors d'abord, il y a des histoires de business. C'est-à-dire que, quand bien même l'hôpital est public, il y a de l'offre et de la demande. Et que s'il y a une demande, alors l'hôpital public fournit l'offre. Donc ça, c'est trivial. Mais à côté de ça, il y a quand même de vraies raisons. C'est que l'hypnose dans l'anesthésie périopératoire, ça permet de diminuer les prescriptions d'antalgiques. Ça, on le sait. Mais ça par exemple, ça a été prouvé selon la méthode scientifique exactement. Après, là, il y a un vrai challenge autour du jeûne en cancérologie. Il est possible que ça met au repos le métabolisme basal des cellules, sauf des cellules cancéreuses qui, elles, se divisent sans arrêt. Et donc, quand la chimiothérapie arrive, le pouvoir discriminant de la chimiothérapie va être plus fort. Et donc, les effets indésirables moins forts. Et il y a des essais thérapeutiques en ce moment en Allemagne qui sont réalisés. Mais qui ne sont pas totalement attestés encore. Non, c'est ça. Voilà, c'est ce que faire attention. S'il y a des essais thérapeutiques, donc, l'hypothèse est intéressante et mérite d'être creusée. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est une émission scientifique. Le scientifique doit être curieux. Et il ne doit pas se fermer des portes. Quand on sait bien que plein de médicaments sont nés de substances qu'on a trouvées dans la forêt, en particulier dans la forêt amazonienne. Et donc, du coup, s'il y a des soins dont on dit qu'ils marchent dans certaines cultures, notre devoir, c'est de faire de la recherche dessus pour essayer de voir en quoi ça marche. Ce qui est le cas, d'ailleurs, par ailleurs. Alors oui, c'est le cas, sauf que d'où vient l'argent pour évaluer les médicaments ? Des firmes pharmaceutiques qui le récupèrent après dans le prix de vente du médicament. Mais d'où vient l'argent pour évaluer les soins alternatifs ? C'est pas les acupuncteurs qui vont payer les protocoles de recherche clinique. Donc là, il y a un enjeu de santé publique collectif. C'est-à-dire, si on veut évaluer les soins alternatifs, et il faut le faire par honnêteté intellectuelle, eh bien, il faut mettre un budget dessus par intérêt de santé publique. Le département de la santé américain a évalué à grand renfort de dollars, justement, un certain nombre de thérapeutiques pour arriver à des conclusions qui étaient des conclusions... d'innocuité. Alors, mais l'ostéopathie, c'est quelque chose de très français. L'ostéopathie n'a pas été évaluée par les Américains. Donc, là aussi, si vous voulez, on a l'habitude des médicaments qui sont un soin industriel. C'est-à-dire, dans un comprimé de 200 mg de paracétamol, il y a 200 mg de paracétamol. Alors, avec le levothyrox, on a vu que c'était plus compliqué. Mais enfin, en général, le médicament est un soin industriel. Les soins alternatifs, comme la chirurgie, comme la psychothérapie, ça n'est pas un soin industriel. Les études faites ailleurs sont intéressantes, mais ne sont pas toujours directement transposables dans notre société. Peut-être un mot, justement, puisqu'on parle de laboratoire pharmaceutique et de gros sous sur cette question qui a été soulevée et qui a été reconfirmée il y a peu de temps par la ministre de la Santé sur le remboursement pour 30% des soins homéopathiques, qui est largement dénoncé par la tribune qui avait été publiée fin mars dans Le Monde. Est-ce que, effectivement, il ne faut pas faire comme dans d'autres pays, comme la Grande-Bretagne qui vient de dérembourser l'homéopathie, ou les États-Unis qui imposent sur l'homéopathie une note en disant que le médicament, en l'occurrence, n'a pas d'effets identifiés. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'argent public doit servir à cautionner ce type de médecine ? Bruno Falissard. Alors, cela, c'est une réaction de citoyens et pas de médecins, parce que le remboursement, c'est une décision politique. Mais en France, le remboursement est décidé par la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé et le prix par le comité économique des produits de santé. L'homéopathie est dérogatoire. L'homéopathie est remboursée par choix. politique. Absolument. L'homéopathie n'a pas d'autorisation de mise sur le marché d'AMM. Elle a une AMM, mais elle n'a pas de décision de remboursement. Donc, je croyais qu'il y avait un statut dérogatoire à l'AMM. Pour le remboursement. Alors, après, c'est un choix politique. Alors, traditionnellement, en France, on rembourse les médicaments dans les maladies graves et les médicaments qui ont une efficacité intrinsèque élevée. C'est ça qui détermine le service médical rendu. C'est-à-dire nettement supérieur à l'effet placebo. Non. Alors, oui, c'est plus compliqué que ça. C'est une efficacité intrinsèque. C'est pas une efficacité relative. Alors, mais je vous l'accorde. Par rapport à un placebo. Et bien sûr, l'homéopathie, ça n'est pas le cas. Et donc, moi, je serais pour, si on est logique sur nos bases, il faut dérembourser l'homéopathie. Mais à ce moment-là, il faut dérembourser aussi tous les médicaments qui sont peu ou prou des placebos. On prescrit plein de magnésium pour des états de fatigue passagère. Le magnésium n'a jamais fait la preuve de son efficacité pour les états de fatigue passagère. Il faudrait le dérembourser. Donc, oui, pour le dérembourser, mais il faut... Et d'autant plus qu'on a besoin d'argent, vous êtes au courant, hein, dans les EHPAD, pour s'occuper des personnes âgées, etc. Donc, il faut faire un choix. Oui, pour le déremboursement, mais à ce moment-là, il faut être juste et il faut le faire pour toutes les thérapeutiques du même ordre. Alain Autret, votre opinion à ce propos et pour conclure ? Eh bien oui, je pense que le débat est assez passionnant. Moi, j'ai passé un temps à essayer de dire au début de cette émission qu'il y avait une demande d'écoute de la part de professionnels par les patients qui était fantastique. Donc, nous sommes là en train de parler du problème suivant. Si cette écoute et médiatisé par une thérapeutique d'efficacité non prouvée, faut-il la dérembourser ? Alors ça, c'est un vrai problème, parce que prenez la situation très simple de quelqu'un qui va voir un bon ostéopathe pas dangereux, un acupuncteur qui est très gentil, il va le voir et il va être content. Ça veut dire que son symptôme, au moins, va être allégé pendant un temps. C'est pas la thérapeutique complète de ces symptômes conversifs et somatiques dont je parlais tout à l'heure, mais au moins, c'est un allègement. Est-ce que, donc, cet allègement, entraîné par cet acte thérapeutique, au motif qu'il est supporté par une médecine d'efficacité non prouvée, doit être déremboursé, alors que, s'il va voir un gentil médecin qui va l'écouter et puis qui va pas faire de thérapeutique à côté, voir un psychiatre qui va avoir une prise en charge psychothérapeutique banale, eh bien là, ce sera déremboursé. Alors, je dis que ça n'est pas simple. Je dis qu'il faut réfléchir. Je crois que il faut que une thérapeutique soit vendue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que les défendeurs de ces MAC, eh bien, ils ne doivent pas dire qu'elles ont un effet spécifique biologique alors qu'elles n'en ont pas. Maintenant, que des patients aillent voir parce qu'il y a un effet bénéfique pour eux, voilà. J'ai écrit dans un des deux bouquins, il n'y a pas d'illégitimité à une guérison. Il n'y a pas d'illégitimité à une guérison à partir du moment où le patient va mieux et que, bien sûr, la thérapeutique n'est pas dangereuse, ne retarde pas le diagnostic et des traitements nécessaires. Et des traitements de médecine conventionnelle qui sont par ailleurs, pour la plupart du temps, pour les gens qui ont recours à ces médecines, faites lorsqu'il y a effectivement des affections plus graves. Un tout dernier mot, peut-être en quelques secondes, Bruno Falissard, sur la question aussi de la formation de ces praticiens de MAC, de médecine alternative et conventionnelle. Ça, c'est une vraie question. Absolument. Parce que si je veux être hypnotiseur, par exemple, il suffit que je le mette sur ma porte et Absolument. J'ai le droit de consulter. Ça pose tout de même là aussi Absolument. Des questions de santé publique. On est dans une injonction paradoxale, c'est une situation difficile. Il faut. Alors, ça a été entrepris pour l'ostéopathie, dont acte, avec le ministère de la Santé. Maintenant, la formation des ostéopathes est relativement encadrée, et c'est bien. Après, l'immense majorité des soins non conventionnels ne sont pas encadrés, et c'est pas bien, et il y a des dérives, et donc il faut. Et au détriment d'ailleurs des thérapeutes honnêtes. Et donc, il y a un travail à faire. Après, que ça soit enseigné aux étudiants en médecine, dans les facultés de médecine, je suis un peu réticent. Ouvrir la culture aux autres médecines, oui, les apprendre, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Bruno Falissard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Alain Autret. Je vous renvoie à Les effets placebo des relations entre croyance et médecine. C'est aux éditions de l'Harmattan. Et puis merci également à nos camarades de France Bleu à Tours pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Sarah Higemans, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Dienab Sangaré à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est comme tous les lundis une nouvelle série documentaire pour les 4 prochains jours à venir. Cette semaine, l'art dégénéré tel que l'appelaient les nazis, une série de Christine Le Serre réalisée par Franck Lilin. Tout à l'heure, du grain à moudre, ce sera à 18h20 après le journal de 18h. L'université a-t-elle les moyens de la sélection avec Hervé Gardette? Et pour ce qui nous concerne, bien, demain nous irons faire un tour à la campagne pour constater eh bien, qu'elle est en bien piteux état, disparition des espèces, insectes, oiseaux, petits mammifères, vers de terre, appauvrissement des sols, recul de la diversité, mais que donc sont nos campagnes devenues? C'est la question qu'on se posera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.